France Musique. Cool. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Ouais, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ce n'est pas la première fois qu'une bande dessinée est adaptée à Broadway en comédie musicale. On avait eu Snoopy, devenu spectacle intello très new-yorkais. Dans les années 70, on a eu Annie, la petite orpheline, pendant le New Deal. Eh bien, la dernière en date a obtenu l'an dernier le prestigieux Tony Award de la meilleure comédie musicale 2015 et de la meilleure partition. C'est une bande dessinée qui s'intitule Fun Home, une tragi-comédie familiale. L'histoire, je le disais, d'une famille funky, assez dysfonctionnelle. Au départ, un roman graphique poignant et drôle à la Persepolis, devenu best-seller dans les librairies. L'autobiographie d'une dessinatrice de 43 ans qui grandit en Pennsylvanie et découvre, en quelques semaines d'intervalle, ses préférences sexuelles et celle de son père. Ce matin, je vous propose de découvrir cette partition touchante en compagnie de sa compositrice, Janine Tesori, et de l'auteur de la bande dessinée, Alison Bechdel. Dear friend, I am so sorry about last night. It was a nightmare in every way. But together you and I will laugh at last night someday. Ice cream. He brought me ice cream, vanilla ice cream. Imagine that. Wonders never cease. It's been a most peculiar day. Will wonders never cease? Will wonders never cease? Oh, where was I? I am so sorry about last night. It was a nightmare in every way, but together you and I will have last night someday. I sat there waiting in that cafe and never guessing that you were fat. That you were near. You were outside looking bald. Oh my. Dear friend, I am so sorry about last night. I was so nasty. Well, he deserved it. But even so, that George is not like this George. This is a new George that I don't know. Somehow it all reminds me of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. For right before my eyes, a man that I despise has turned into a man I like. Almost like a dream, and strange as it may seem, he came to offer me vanilla ice cream. but true it is, when I'm close to you, dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. Without you, my arms fold about you. So taunt me and hurt me, deceive me. Kiss Me Kate au Châtelet. Derrière nous, Julie Andrews avait enregistré à sa façon la chanson la plus célèbre du spectacle signé Cole Porter qu'on a eu la chance de redécouvrir à Paris il y a quelques jours. So in love. Et puis pour débuter, une poussée de joie en musique. Une jeune fille qui, parce qu'un homme lui a offert une glace, s'imagine qu'il est amoureux d'elle. Ice Cream, interprété par Barbara Cook. Cet extrait de She Loves Me, la comédie musicale de Jerry Bock et Sheldon Harnick, qui est remonté sur scène depuis hier soir à Broadway, au studio 54. Une nouveauté pour continuer, le bossu de Notre-Dame. Oh, vous connaissez ce dessin animé issu des studios Disney. Les chansons ont été composées par Alan Menken, le compositeur d'autres grands succès de ce studio, qui sont déjà devenus des comédies musicales, Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Eh bien, le bossu de Notre-Dame a été monté sur scène l'an dernier dans la banlieue de New York. C'était un peu comme un galop d'essai, le temps de quelques semaines. On ne sait pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, l'ensemble a été enregistré en studio. L'album vient de sortir chez Ghostlight Records. Voici la chanson peut-être la plus célèbre, la chanson d'ouverture, The Bells of Notre-Dame. Frollo est interprété par Patrick Page. Morning in Paris, the city awakes to the bells of Notre-Dame. The fisherman fishes, the baker man bakes, to the bells of Notre-Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a song. And some say the soul of the city is the toll of the bells, the bells of Notre-Dame. Long years ago did this story begin in this place called Notre-Dame. Two orphan brothers were both taken in by the grace of Notre-Dame. Claude the older, who cared for his brother, young Jean, full of beauty and charm. And they lived and they grew and awoke to the music of bells, the bells of Notre Dame. Oh dear brother, 'neath these arches and this sacred hill, we are blessed to find our sanctuary. and our home. Righteous Claude Frollo was evermore drawn like a son to Notre Dame. Not like his profligate brother Jean, who'd have none of Notre Dame. Though as brothers they loved one another, Frollo watched in despair and alarm. As Jean grew more wild and defied and defiled all the laws. The laws of Notre Dame. You must leave, Jean, this holy refuge where you've dwelled. Leave, but father... Sorry, Claude, but I've no choice. Your brother is expelled. And Frollo didn't hear from his brother for several years. Meanwhile, Frollo ascended uncommonly fast through the ranks of Notre Dame, till he was named the archdeacon at last and gave thanks to Notre Dame. And then one doleful day brought a message, and the name that it bore was Cheyenne. And concealing his face, Frollo stole to a place far away. Away from Notre Dame. Cheyenne, let me take you back. I'll bring you home. Brother dearest, come with me where we will find a remedy, and Notre Dame once more will be your sanctuary. Healing you will be my goal, not just your body, but your soul. We'll be together in our holy sanctuary. Enough, Claude! It's too late for me anyway. But if you've truly discovered charity at this late date, there's someone you can help. A baby? Yours? Oh, a monster. It's God's judgment on you. The wicked shall not go unpunished. I should have known. I was a fool to think that you would look after him. Look after him, me? He has nobody else. Take him. If you can find it in your heart. Cheyenne. Cheyenne! I may not have saved my brother, but I will save this thing. See this loathsome creature from whom lesser men would flee. I will keep and care for him and teach him at my knee to think like me. And Frollo gave the child a name. A cruel name that means half-formed Quasimodo. Now here is a riddle to guess if you can sing the bells of Notre Dame. What makes a monster and what makes a man? What makes a monster and what makes a man? Bells, bells, bells. Moteur, mon père et moi sommes totalement pareils. Moteur, mon père et moi sommes complètement différents. Deux phrases au début de Fun Home, la comédie musicale que je vous propose de découvrir ce matin sur la 42e rue de France Musique. Une comédie musicale qui, à l'image de ces deux phrases juxtaposées, se construit par petites touches. C'est l'histoire d'une jeune femme de 43 ans, à sa table à dessin. Elle se remémore son passé. Fun Home vient de Funerarium, c'est là que Alison Bechdel a grandi. Son père était prof de littérature anglaise, amateur de vieilles maisons à retaper et avait hérité de cette entreprise de pompes funèbres où vivait toute la famille. Sur scène, Alison Bechdel est incarnée par trois actrices. Elle a 43 ans, elle adolescente, elle enfant. Les souvenirs lui remontent à la surface. À côté d'elle, son père reprend vie. Il lui apprend à nettoyer la maison. Elle lui demande de jouer avec elle et faire l'avion. Adolescente, on la voit à l'université où elle a ses premiers émois amoureux. Son père l'emmène à New York en virée. Alors qu'elle découvre sa préférence pour les femmes et l'annonce à sa famille, Alison Bechdel découvre que son père a des relations avec des hommes. Il se suicidera 4 mois exactement après ce coming out de sa fille. Alors c'est en 2006 que dans un roman graphique, Alison Bechdel raconte en images, avec émotion, sa jeunesse, son enfance et essaie de recoller les morceaux. Une bande dessinée étonnante de justesse, de ton et d'authenticité. Pour adapter en comédie musicale cette bande dessinée, eh bien, lorsque le spectacle débute, Alison, enfant, ses deux frères et sœurs et toute la famille ressemblent à une famille heureuse sur une photo de famille où apparaît aussi un jardinier bodybuildé embauché par le père. Welcome to our house on Maple Avenue. He wants the HEPA white sweet chairs back in the parlor. Move the G.I. Joe, it can't be on the floor. He wants the Dresden figurines back in the break front. A slinky messes up the period decor. Get the lemon pledge and dust them. They should face the same direction. He wants it vacuumed, the surface gleaming. He wants it closer to the door. He wants, he wants, he wants. He wants the brass candelabra set at an angle. The crayons and the glue should go back in the drawer. He wants the bust of Quixote square on the mantle. Sweep that lint away, it's what a broom is for. Gently wipe the eucalyptus, polish up the crystal prisms. When he comes down here, he wants it ready. We've got to get it done before. He wants, he wants, he wants. Where's my bronzing stick? It's in the... Welcome to our house on Maple Avenue. See how we polish and we shine. We rearrange and realign. Everything is balanced and serene. Like chaos never happens if it's never seen. Every need we anticipate and fill. Duster use on the bookcase. Find all the books we read and carefully restore. He wants them alphabetized by classification. A volume out of place could start a third world war. That's an inch out of position. Watch it, that's a first edition. What are we missing? What have we left out? When he comes down here, what's in store? He wants, he wants, he wants. Welcome to our house on Maple Welcome Avenue. Welcome to our house on Maple See Avenue. See how we polish and see how we polish and we shine. We rearrange and realign. We rearrange and realign. Everything is balanced and everything is balanced and like chaos never happens if it's never seen. We're a typical family quintet. I say so myself, I might still break a heart or two. Sometimes the fire burns so hot, I don't know what I'll do. Not too bad, if I say so myself. Not too bad. Mrs. Bachner, it's a pleasure to meet you. Come on in. Obviously, still a work in progress. Yes, I did all the work myself. That's how we were able to afford the place. No. Historic restoration is an avocation. That is very flattering. I teach English at Beech Creek High, and the Bechtel Funeral Home is our family business, so I'm also a funeral director. You have a keen eye. This I found yesterday in the dump. What are we doing? Actually, I believe Rococo Revival. Absolutely. Would you like one with the family? Kids, Mrs. Bachner would like to take a photo. I'll be there in a minute. The young man comes out with a yard work. He wants more. Caption: My dad and I both grew up in the same small Pennsylvania town, and he was gay, and I was gay, and he killed himself. And I became a lesbian cartoonist. Welcome to our house on Maple Avenue, l'une des premières chansons dans Fun Home, la comédie musicale, une photo de famille avec aussi sur la photo un jardinier bodybuildé, embauché par le père. Alors, cette comédie musicale a remporté l'année dernière, le très convoité Tony Award, la meilleure comédie musicale. On va la découvrir ce matin. C'est d'abord une bande dessinée qui a rencontré un énorme succès critique à sa sortie en 2006. Et j'ai demandé à son auteur, Alison Bechdel, comment elle était née, cette bande dessinée. Fun Home was a story that I wanted to tell for a very long time. It's about a sort of intense traumatic period of my life. Fun Home, c'est une histoire que je voulais raconter depuis longtemps, depuis que j'avais 19 ans et que mon père est décédé. As soon as it happened, maybe since I was 20 years old or something, I felt like it was a story that I wanted to tell. Dès l'âge de 20 ans, j'ai senti que c'était une histoire que je voulais raconter, mais ça signifiait raconter des secrets de famille. I could do, it felt like it would be too damaging to my family. And also, I really didn't have. Je pensais que ça causerait trop de dommages à ma famille. Et puis à l'époque, j'étais encore trop novice dans le dessin. Je ne me sentais pas les qualités pour embarquer sur un tel projet. Et puis 20 ans au passé, j'ai vraiment besoin de raconter cette histoire. Et puis je trouvais que ce que je dessinerais pourrait causer moins de dommages à ma famille que 20 ans plus tôt. Les choses ont changé dans les rapports de la société à l'homosexualité et au suicide, qui sont les deux grands secrets du livre. Je me suis dit que je pouvais m'y mettre. À 40 ans, presque, j'ai commencé à écrire cette histoire. J'ai fait mon coming out à la fac. J'ai découvert que j'étais lesbienne à 19 ans. Et pour moi, c'était important et j'ai voulu le partager avec mes parents. Je n'avais pas le courage de leur dire en face. J'ai écrit une lettre. Ça a provoqué des réactions étranges et inattendues de la part de mes parents. Ma mère a commencé à ne plus me parler. Mon père commençait à m'écrire des lettres bizarres où il me disait que c'était bien de faire des expériences. Je ne comprenais rien jusqu'à ce que ma mère, finalement, me parle et m'explique. Pourquoi ta lettre a été compliquée pour moi, c'est que je suis déjà confronté à ce problème depuis très longtemps. Ton père a des relations avec d'autres hommes. C'est comme ça que j'ai découvert. Ma mère me l'a dit, j'avais 19 ans. What happened last night? Are you really here? Joan, Joan, Joan, Joan, Joan. Hi, Joan, don't wake up, Joan. Oh my God, last night. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, last night. I got so excited, I was too enthusiastic. Thank you for not laughing, well, you laughed a little bit. At one point when I was touching you and said I might lose consciousness, which you said was adorable, and I just have to trust that you don't think I'm an idiot or some kind of an animal. I never lost control due to overwhelming lust, but I must say that I'm changing my major to Joan. I'm changing my major to sex with Joan. I'm changing my major to sex with Joan, with a minor in kissing Joan. Foreign study to Joan's inner thighs. A seminar on Joan's ass in her Levi's. And Joan's crazy brown eyes. Joan, I feel like Hercules. Oh God, that sounds ridiculous. Just keep on sleeping through this and I'll work on calming down. So by the time you've woken up, I'll be cool, I'll be collected, and I'll have found some dignity. But who needs dignity? 'Cause this is so much better. I'm radiating happiness. Will you stay here with me for the rest of the semester? We won't need any food. We'll live on sex alone. Sex with Joan. Writing a thesis on Joan. It's a cutting edge field and my mind is blown. I will gladly stay up every night to hone my compulsory skills with Joan. I will study my way down her spine, familiarize myself with her well-made outline while she researches mine. Don't know who I am. I've become someone new. Nothing I just did is anything I would do. Overnight, everything changed. I am not prepared. I'm dizzy, I'm nauseous, I'm shaky. I'm scared. Am I falling into nothingness or flying to something so sublime? I don't know, but I'm changing my major to Joan. I thought all my life I'd be all alone, but that was before I was lying prone in this dorm room bed with Joan. All sweaty and tangled up in my bedsheet, and my heart feels complete. Let's never leave this room. How about we stay here till finals? I'll go to school forever. I'll take out a dementedly huge high-interest loan. 'Cause I'm changing my major to Joan. Une chanson intitulée « J'ai changé de filière à la fac, j'ai pris Joan ». J'ai aussi changé de filière mineure, j'ai pris « Embrasser Joan ». Voilà, c'est une des chansons de l'héroïne dans Fun Home, la comédie musicale qui raconte notamment l'éveil à la sexualité d'une jeune fille. Le livre, la bande dessinée Fun Home, se lit comme un roman de détective. Une jeune femme découvre la personnalité cachée de son père et essaie de comprendre. Alison Bechdel. The whole book really grew out of a photograph I found when I was about 20 of one of my father's boyfriends. J'ai écrit le livre à partir d'une photo d'un petit ami de mon père que j'ai retrouvé quand j'avais 20 ans dans une pile de photos de famille à la plage. Et ça m'a vraiment choqué. J'ai reconnu, cet homme avait été notre babysitter. C'est devenu un mystère pour moi. Mon père avait une vie complètement séparée. J'ai voulu en savoir plus, c'est devenu le cœur du livre. So you made your own inquire like policeman. Vous avez mené votre propre enquête. Oui, comme un détective. C'est drôle, maintenant que ce livre est adapté en pièce de théâtre, en comédie musicale, à Broadway. La metteuse en scène, à un moment, a dit à l'actrice qui joue mon personnage de dessinatrice de bande dessinée, qui essaye de raconter son histoire, play this joue là comme like un détective, like you have a mystery, comme si tu cherchais à résoudre une énigme. I fucking love beginnings flying high. It's hard to know where to start. It's all so fast, I'm trying not to spin. I guess I'm older, and it's harder when you're older to begin. Peeling plaster, sagging roof, two missing stairs, a buckled wall. I'm fired up to do this, but on my own at all. So much damage, broken windows, pipes are shit, crack veneer. It's hours later, Jesus, I'm still standing here, still standing here. But when the sunlight hits the parlor wall at certain times of day, I see how fine this house could be. I see it so damn clear. What's the matter? Why am I standing here? Bad foundation, twisting floorboards, shoddy pipes, gaping hole. It's a lot. It's a lot to keep under control. Something's cracking, something's rotting. Piles of ruin and debris, killing me, crushing me, pushing me. But when the sunlight hits the parlor wall at certain times of day, I see how fine this house could be. I see it so damn clean. What's the matter? Why am I standing here? Dear Al, I'm scared. I had a life I thought I understood. I took it and I squeezed out every bit of life I could. But the edges of the world that held me up have gone away, and I'm falling into nothingness, or flying into something so sublime. And I'm a man. I don't know who am I now, or do I go? I can't go back. I can't find my way through. I might still break a heart or two. When the sunlight hits the parlor wall at certain times of day, I see how fine this house could be. I see it so damn clear. Oh my God, why am I standing here? C'est Michael Cerveris qui interprète actuellement à Broadway dans l'enregistrement d'Orphan Home, le père de famille juste avant son suicide à l'instant à la fin du spectacle, une chanson intitulée Edges of the World. Orphan Home, on l'a dit, a été adapté en comédie musicale en 2009. En fait, c'est un long processus. Plusieurs ateliers ont eu lieu. Le spectacle a ouvert d'abord off-Broadway en 2013, puis à Broadway l'an dernier. Et on doit ce travail d'adaptation à la dramaturge Lisa Kron et à la compositrice Janine Tesori, une des rares compositrices femmes à Broadway, à qui on doit notamment une autre comédie musicale ambitieuse. C'était Caroline Orchange, écrite avec l'auteur de Angels in America, Tony Kushner. Nous avons rencontré Janine Tesori. Elle nous a expliqué le travail d'adaptation du roman graphique d'Alison Bechdel. Home was by far the hardest adaptation because it is a graphic novel, and a lot of the graphic novel is based on juxtaposition and the density. Home, c'était vraiment pour moi l'adaptation la plus difficile. C'est un roman graphique, une bande dessinée, et beaucoup est basé dans le livre sur la juxtaposition, la densité. Vous savez, dans un livre, un lecteur peut rester 3 minutes sur une page, réfléchir sans avoir besoin de passer rapidement d'une page à l'autre. Les dessins et les textes fonctionnent vraiment ensemble. Fun Home, c'est vraiment le livre non linéaire le plus magnifique que j'ai eu l'occasion de lire. Alors, Alison Bechdel nous a dit qu'elle n'avait pas vraiment eu conscience de la structure de son livre avant de le finir. Du coup, il nous a été très précieux qu'Alison nous parle et nous aide. Le metteur en scène s'est rendu dans son studio pour voir comment elle travaille, comment elle dessine, comment la mémoire fonctionne. On a suivi plusieurs fois des fausses pistes, des routes qui ne menaient nulle part. On revenait en arrière, on empruntait une autre route. On a beaucoup tâté, beaucoup travaillé, recommencé, retravaillé. C'est assez rare d'avoir ce temps-là pour le processus. Alors, il y a deux chansons d'éveil à la sexualité dans la comédie musicale Fun Home. On en a entendu une tout à l'heure, Changing My Major to Joan. La plus émouvante, c'est celle que je vais vous faire entendre, peut-être la plus provocante aussi. Elle concerne Alison, enfant. Elle est avec son père dans un café, et puis voilà, une femme un peu butch entre pour livrer un colis. Une femme qui procure une étrange sensation à la petite Alison avec son trousseau de clés à la ceinture. You didn't notice her at first, but I saw her the moment she walked in. She was a delivery woman. She came in with a handcart full of packages. She was an old school butch. Someone just came in the door, like no one I ever saw before. I feel... I don't know where you came from. I wish I did. I feel so dumb. I feel your swagger and your bearing and just right clothes you're wearing, your short hair and your dungarees and your lace-up boots and your keys. Oh, your ring of keys. C'est Sydney Lucas qui interprète sur scène Alison Bechdel, enfant, dans Fun Home, la comédie musicale, ce matin sur la 42e rue de France Musique. Je vous propose de découvrir une comédie musicale contemporaine créée l'an dernier à Broadway, composée par Janine Tesori, avec une partition, vous l'entendez, qui épouse les sentiments des personnages. Et puis, Janine Tesori a aussi décidé d'immerger cette histoire dans les années où a grandi Alison Bechdel, les années 70. Alicia, Alison et moi avons pratiquement le même âge. Et je suis une enfant des années 70. Et quoi que je fasse, j'ai toujours à l'esprit les Jackson 5, les Osmonds, la famille Kings, Carol King, toujours là. Et ces séries, ces musiques avec lesquelles j'ai grandi sont toujours là. Et d'un claquement de doigts, je les réentends. Et j'ai réalisé que nous partagions cette même sensibilité avec Alison. Et je me suis dit qu'il était très important d'expliquer pourquoi cette période ressemblait à ce qu'elle était. Pas simplement les pattes d'Ef, mais parce que les programmes de télévision montraient ces familles sous un angle très particulier. Par exemple, je n'ai jamais compris que les Brady Bunch étaient filmés en Californie. Moi, ce que je voyais, c'était une famille qui s'amusait, qui chantait ensemble. Et The Partridge Family, qui était l'autre famille, et je rêvais d'en faire partie parce que l'une des filles jouait du piano, et à l'époque, ma famille était tellement déchirée que je rêvais d'en faire partie. Et pour moi, c'était ça, les années 70. Il n'y avait pas de talk show, il n'y avait pas de débat qui aurait osé vraiment expliquer quels étaient les secrets de ces familles, comment les choses fonctionnaient. Ce n'est qu'à partir du documentaire An American Family, où on parlait de la famille Loud, où on a vraiment montré ce qui se passait une fois que les portes étaient closes dans ces familles. Et je me souviens que nous vivions tous dans des maisons semblables et nous regardions des programmes qui montraient ce qui n'était pas la réalité. Et je savais profondément qu'il nous fallait montrer ça dans le spectacle. Pastiche de pub très années 70, venez aux pompes funèbres, venez aux meilleures pompes funèbres de la ville. C'est ce que chantent les trois enfants de la famille, dont la petite Alison Bechdel dans cette comédie musicale intitulée Fun Home. Alors maintenant, dans la famille Bechdel, on a rencontré le père, on a rencontré la fille à différentes périodes de sa croissance. Je demande maintenant la mère. Alors, c'est une femme très effacée dans la bande dessinée et très peu présente dans la comédie musicale. La voilà en train de faire ses gammes alors que dans la chambre, son mari est avec un jardinier. You want it? Yeah. Unbutton your shirt. Is that your wife playing the piano? Don't worry about her. La la la la. La la la la la. La la la la. Maybe not right now. Maybe not right now. La la la la. This type of married guy, I could just give him the slip, but why? It's not a big deal. I know he wants me. I know this type of married guy, I could just give him the slip, but why? It's not a big deal. I know he wants just me and him. Me and him, me and him. C'est Judy Kuhn qui, à New York, interprète la mère d'Alison Bechdel dans la comédie musicale Fun Home. Elle n'a droit qu'à une seule chanson, assez renversante, intitulée Days and Days, dans laquelle elle raconte à sa fille combien elle est dévastée d'avoir passé sa vie dans ce mariage quelque peu inassouvi. Un personnage très effacé, il y a une raison pour ça. Alison Bechdel, l'auteur de la bande dessinée Fun Home. She didn't even have one song for a long time because my mother is actually a very, like, she's a very minor character. Au départ, il n'y a même pas de chanson pour elle dans la comédie musicale. Vous savez, c'est un personnage mineur dans mon livre. Je n'ai pas approfondi sa personnalité dans le livre car je savais qu'elle allait lire mon livre. Je ne voulais pas l'exposer plus que nécessaire. J'avais déjà l'impression de dépasser pas mal les bornes. They had to create that song out of, you know. Donc les auteurs de la comédie musicale ont dû inventer cette chanson. Ils n'ont pas trouvé ce matériel dans le livre. Peut-être l'ont-ils imaginé en parlant ensemble. On a eu beaucoup de discussions avec la scénariste, la compositrice, sur ma famille, ma façon de travailler, d'écrire un livre. Ils ont aussi certainement lu ma bande dessinée que j'ai depuis consacrée à ma mère. But they had to create that song themselves and. Mais ils ont créé tout seul cette chanson et j'ai été surprise en entendant cette chanson pour la première fois. Je trouve que ça capture quelque chose d'essentiel de ma mère, quelque chose de très puissant. Welcome to our house on Maple Avenue. See how we polish and we shine. We rearrange and realign. Everything is balanced and days and days and days, that's how it happens. Days and days and days, made of lunches and car rides and shirts and socks and grades and piano. And no one clocks the day you disappear. Days and days and days, that's how it happens. Days and days and days, made of posing and bragging and fits of rage. And boys, my God, some of them underage. And oh, how did it all happen here? There was a time your father swept me off my feet with words. We read books, strolled through Munich at night, drank beer with friends, discussed the places we would go. And he said I understood how the world made him ache. But no. know. That's how it happens. Days made of bargains I made because I thought as a wife I was meant to. And now my life is shattered and laid bare. Days and days and days and days and days and days and days. Welcome to our house on Maple Avenue. See how we polish and we shine. We rearrange and realign. Everything is balanced and serene. Like chaos never happens if it's never. I didn't raise you to give away your days like me. I feel envious of the power musicals have. Je suis vraiment jalouse du pouvoir des comédies musicales. C'est drôle pour moi de m'asseoir dans le public et de voir combien les gens sont émus par cette histoire, par mon histoire. Certains pleurent, certains sont vraiment émus, touchés par une comédie musicale. J'ai l'impression que les bandes dessinées ne touchent pas les gens de la même façon. La musique, les acteurs, c'est un médium vraiment différent. Je suis un peu jalouse. C'était Alison Bechdel qui répondait à nos questions, l'auteur de Fun Home, la bande dessinée que je vous conseille d'acheter chez De Noël Graphique. Et puis la bande originale, enfin le Broadway cast comme on appelle, est disponible chez PS Classics sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. On vous a mis également une vidéo du spectacle puisque eh bien lors des Tony Awards, l'une des chansons était interprétée devant les caméras de télévision. Dans l'actualité des comédies musicales, nous vous conseillons justement de courir voir un film. C'est Ave César des frères Cohen, sorti mercredi dernier, une déclaration d'amour au cinéma et à l'ère des grands studios d'Hollywood dans les années 50, à travers un suspense élégamment troussé dans des couleurs qui font penser aux films d'Alfred Hitchcock de la même époque. Eh bien, on plonge dans un studio de cinéma dans les années 50 et eh bien, les frères Cohen pastichent tous les genres qu'on tournait à l'époque, du film de cow-boy à la comédie musicale. Évidemment, il faut voir ce moment hilarant lorsque Scarlett Johansson se la joue comme Ethel Waters, Ethel Merman et oui, Ethel Waters, pardon, dansant et nageant en tenue de sirène et pestant à peine le clap de fin retentit. Et puis, il faut voir le numéro de comédie musicale typique de marin avec claquettes et tout le tralala, interprété par le beau gosse de service, Channing Tatum. We are heading out to sea, and however it'll be, it ain't gonna be the same. 'Cause no matter what we see when we're out there on the sea, we ain't gonna see a dame. We'll be searching high and low on the deck and down below, but it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never clock a dish. We ain't gonna see a dame. No dames. We might see some octopuses. No dames. Or a half a dozen clams. No dames. We might even see a mermaid. But mermaids got no dames. No dames. disagree, 'cause the only guarantee is I'll see a lot of you and you'll see a lot of me. And it's absolutely certain that we'll see a lot of me. But we ain't gonna see no day. No days. We're gonna see. Yeah, we're no see. Day. With no days. We're gonna see. Yeah, we're no see. Day. With no days. We're gonna see. Yeah, we're we ain't gonna see no day. Et ça s'intitule No Dames, ce numéro de Channing Tatum dans le film Ave César des frères Cohen, musique de Carter Burwell, à ne pas rater au cinéma. Et puis à noter aussi la reprise de Singing in the Train, c'est la comédie musicale créée par le CREA cette année, qui sera présentée à Monaco au Grimaldi Forum jeudi et vendredi prochain. Le listing complet de toutes les comédies musicales à l'affiche en France, vous le savez, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de notre partenaire regardencoulisses.com, le magazine de la comédie musicale. Et puis quant au podcast, eh bien, il est disponible, bien sûr. Vous avez rendez-vous sur francemusique.fr pour visiter la page de 42e rue. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Xavier Hatto, Elisabeth Garnescotto, Martine Moni, Perrine Mingui, Laurent Vallière, on vous souhaite une très bonne journée sur France Musique. Rideau.